Chapitre 21e, la nuit du vendredi. La nuit qui suit la scène terrible que nous venons de raconter s'écoula bien douloureusement pour Fernande. Assise près du berceau de sa fille, elle ne put fermer l'œil de la nuit. Comme un panorama qui se déroule, elle voyait se succéder les événements sinistres auxquels elle se trouvait fatalement mêlée. Si elle jetait un regard dans l'avenir, elle n'y apercevait que des obscurités menaçantes. Elle avait compris, après avoir examiné sa situation dans toutes ses faces, que le naufrage de sa vie était complet, et qu'il ne lui restait pas même une espérance à laquelle elle pût se rattacher. Alors une voix mystérieuse parla à son âme. C'était la voix de son enfant, qu'il fallait protéger et défendre contre tout et contre tous. Elle se pencha sur sa petite Jeanne qui dormait, la contempla avec amour, et pour un instant, elle se sentit consolée. 7 heures du matin venait de sonner, lorsque le marquis frappa à sa porte. « Entrez !» fit la duchesse. Le vieux gentilhomme la trouva debout et près d'elle brûlait une bougie dont la lueur pâlissante s'effaçait devant les clartés du jour. « Tu ne t'es pas couché ?» lui demanda son oncle après avoir aperçu le lit qui n'était pas défait. « Aurais-je pu dormir après cette épouvantable soirée ? » répondit-elle. « Eh bien, as-tu réfléchi ? As-tu pris un parti ?» « Je suis résolu à me séparer pour toujours de cet homme qui me fait horreur. »« Je t'approuve, mon enfant. »« Toutefois, » continua la jeune femme, « j'ignore sous quelle forme doit s'effectuer cette séparation. »« On peut procéder de deux manières, ma chère Fernande, » reprit le marquis de Kerdal, « faire rompre ton mariage pour cause d'erreur dans la personne, ou bien recourir à une séparation amiable et convenue. »« Et quels sont les effets de l'une et de l'autre de ces solutions, mon oncle ?» L'annulation du mariage pour cause d'erreur dans la personne place les époux dans l'état où ils étaient avant leur union. Mais il va sans dire que l'action civile n'empêche nullement l'action criminelle, et il est plus que probable qu'après la première, la justice, dans le cas présent, exercera la seconde et demandera à ton mari un compte sévère de son passé. Et que devient alors l'enfant qui est né du mariage annulé? Il perd sa qualité d'enfant légitime. « Mon oncle, » dit vivement la duchesse, il faut renoncer à ce moyen, car ma pauvre et innocente Jeanne sera la première victime des crimes de son père. Nous pourrions, à la rigueur, poursuivit le marquis, demander une séparation de corps et de biens. Mais ici se présente un écueil. Il faudrait, pour l'obtenir, voir au grand jour l'épreuve des désordres de ton mari. Et tu comprends, quel scandale. Mais alors que faire, mon oncle? Je ne peux pas, et je ne veux pas rester enchaîné à cet homme. Je ne vois qu'une seule chose possible, ma chère enfant. C'est de recourir à la séparation volontaire. Le fils naturel du duc de Clodion ne pourra pas, n'osera pas refuser, si on le menace, en cas de refus de sa part, de s'adresser aux tribunaux. En ce moment, la petite Jeanne s'éveilla et Fernande courut l'embrasser. « Eh bien, » dit le marquis de Kerdal, « je réfléchirai à tout cela, mon oncle, et nous en reparlerons dans la matinée, » répondit la duchesse. Nous allons quitter un moment Fernande et le marquis pour nous transporter auprès du bâtard de Clodion. José, de son côté, se trouvait dans cet état de prostration qui suit ordinairement les commotions violentes. Venu au château de Kerdal pour obéir aux injonctions impérieuses de Carmela, il était décidé à user de ses droits de mari et à obliger la duchesse à le suivre à Paris. Et voilà qu'au lieu de commander en maître, il avait dû courber la tête en esclave. Vainement, il avait lutté. La vérité qui parlait par la bouche du duc Jean avait été plus forte que tous ses impudents subterfuges. Sa femme était irrévocablement perdue pour lui. Il n'avait aucune illusion à se faire à cet égard, et cependant, il se sentait l'aimer plus que jamais. La pensée de ne plus la revoir, d'être pour elle un objet de mépris et d'horreur, lui causait une torture 1000 fois plus terrible que l'écroulement des avantages matériels pour la possession desquels il était devenu criminel. Certes, il aurait en ce moment accepté avec joie la perte du nom qu'il avait volé, et tous les privilèges qui s'y rattachaient, si, comme compensation, l'espoir de conserver l'amour de Fernande lui fut resté. Mais cet espoir lui était interdit sans retour. Tous les détails de cette soirée néfaste étaient présents à sa pensée. Sa mémoire lui retraçait avec une netteté impitoyable les transformations successives de la physionomie de la duchesse. D'abord l'étonnement, puis le doute, ensuite l'épouvante, et enfin l'expression d'horreur, quand, accablé par l'évidence, il s'était avoué vaincu. Un instant, il avait eu la pensée de demander à la mort le dénouement du drame de son existence. Il alla prendre dans son secrétaire une boîte de pistolets, en sortit un, s'assura qu'il était chargé, fit jouer les batteries et l'approcha de son front. Mais sur le point de lâcher la détente, la réflexion lui vint que la balle pouvait dévier, le défigurer sans le tuer, et il replaça le pistolet dans la boîte. Bientôt après, il ouvrit les fenêtres, il l'étouffait. Alors, la grande voix de l'océan, dont les vagues agitées se brisaient au pied de la falaise contre les rochers, lui conseilla un autre genre de suicide. Il n'avait qu'à se précipiter dans le vide, et avant d'arriver en bas, il serait mort. Il fit un pas en avant, comme pour franchir le balcon qui le séparait du gouffre. Mais l'instinct de la conservation étant plus fort que le sentiment de son devoir, il saisit la balustrade avec la frénésie d'un homme qui se noie et qui s'accroche à une épave. Don José était à l'âge, il ne savait pas mourir. La nuit s'écoula pour lui au milieu de ses alternatives de résolution et de défaillance. Peu à peu la lutte cessa, et il tomba dans une torpeur qui n'était ni la veille ni le sommeil. Une sorte de paralysie avait envahi son cerveau, s'était communiquée à son corps, et il était incapable de penser et d'agir. Il se trouvait depuis longtemps dans cet état d'insensibilité presque complète lorsque la porte de sa chambre s'ouvrit. Fernande venait d'entrer. Cette apparition inattendue produisit sur José l'effet de la pile de Volta sur un cadavre. D'un mouvement automatique, il se dressa et regarda sa visiteuse. Que venait-elle faire près de lui, à cette heure matinale? Était-ce le pardon qu'elle lui apportait? Un moment, il l'espéra. Il ne tarda pas à être désabusé. La sombre expression du visage de la duchesse lui fit comprendre que c'était un juge qui allait parler. « Avant de nous séparer pour toujours, monsieur, lui dit Fernande d'un ton glacé, j'ai pensé, si pénible que dut être pour moi cet entretien, qu'il valait mieux vous apprendre moi-même ce qui était résolu, plutôt que de recourir à un intermédiaire. Je vous remercie d'avoir eu cette bonne pensée, murmura Don José. « Ne me remerciez pas, » continua la jeune femme, « car en intervenant en personne, je n'ai eu d'autre intention que de prévenir toute objection de votre part. Faites donc connaître votre volonté, qu'il ne m'ait pas permis de discuter. » Repartit le bâtard de Clodion avec résignation. « Dans quelques jours, » poursuivit la duchesse, « une barque vous attendra au pied de la falaise et vous conduira dans une des îles du Morbihan, où vous resterez interné jusqu'au moment de votre départ pour l'Amérique. » Ainsi, vous voulez mettre l'océan entre vous et moi ? Dit José d'un ton suppliant. Je voudrais que la distance fût plus grande encore, répondit Fernande d'une voix implacable. Un silence succéda à ces paroles. Et moi parti, que fera Jean ? Demanda bientôt le bâtard. Reprendra-t-il son nom et son titre ? Votre frère a fait le sacrifice de sa personne. Pour tout le monde, mon oncle et moi excepté, il continuera à s'appeler Sir Johan Astley. « Mais vous étiez sa fiancée, et il vous aimait. Peut-être vous aime-t-il toujours. » « Jean est une de ces âmes d'élite qui placent le devoir au-dessus de tous les autres sentiments, » répliqua la duchesse avec fermeté. « Il sera pour moi un frère, comme je serai pour lui une sœur. » Jean demeura pensif pendant quelques instants. « Fernande, » murmura-t-il ensuite d'une voix qui semblait partir du fond de son cœur. Sous peu, j'aurai quitté pour toujours ce château, si vous ne voulez pas que je parte trop désespéré. Dites-moi que vous pourrez me pardonner un jour le mal que je vous ai fait. Je n'essaierai pas d'atténuer mes crimes. Tout autant que vous et plus que vous peut-être. J'en reconnais l'énormité. Mais l'un est un sur lequel vous jetterai un regard de pitié et d'indulgence. C'est celui de vous avoir épousé. Vous voulez que je vous pardonne d'avoir brisé ma vie ? Repartit vivement la jeune femme. « Jamais, jamais !»« Écoutez-moi, » répondit le bâtard, « et vous comprendrez que de toutes mes infamies, celle-là est la plus excusable. Lorsque je suis entré pour la première fois dans ce château, j'avais promis à Carmela que j'aimais alors et qui m'avait inspiré la pensée de m'emparer du riche héritage et du nom de mon frère Jean. Je lui avais promis de la nommer ma femme, et je l'aurais fait si je ne vous eusse pas rencontré. Mais je vous vis, et en vous voyant, j'oubliais ma parole donnée. De faussaire que j'étais, je devins parjure, et cela parce que votre jeunesse, votre beauté et vos grâces attractives m'avaient ébloui, fasciné. Parce que je vous aimais. Pour mon malheur et pour ma honte, interrompit la duchesse, puis toute frémissante, elle ajouta. Ah, si à mon tour j'évoquais mon passé, les rêves que j'avais faits, non, non, je serais généreuse et je me tairais. Mais continuez, monsieur, continuez. » Don José demeura un instant silencieux, comme s'il hésitait à parler. « Il me reste bien peu de choses à dire, » répondit-il enfin, « et quoique j'aie perdu le droit de m'ériger en accusateur, je vous ferai connaître toute ma pensée. Ah, si vous m'aviez aimé comme je vous aimais, Fernande! Fort de votre amour, je me serais senti le courage de vous avouer mes actes criminels, et pardonner par vous, oui, pardonner! Il y a dans le cœur de la femme qui aime un si grand fond d'indulgence. J'aurais réparé tout ce qui aurait pu être réparable. Et d'abord, j'aurais rompu avec cette misérable créole, dont je ne subissais la chaîne que parce qu'elle me menaçait toute heure du jour de me démasquer à vos yeux. Puis je serais allé dans les solitudes du Texas, à la recherche de Jean. Je lui aurais rendu son nom, son titre, sa fortune. Toutes les choses, enfin, que j'aurais pu lui rendre, à l'exception d'une seule, la plus précieuse de toutes, car celle-là, c'est mon bien légitime. Elle m'appartient devant Dieu et devant les hommes, c'est vous. Mais vous ne m'aimiez pas. Et malgré tous vos efforts pour me faire croire à votre amour, je lisais l'indifférence dans vos regards, dans vos paroles, et j'ai gardé le silence. Et aujourd'hui, je me vois honteusement chassé par vous, que j'aime toujours, et que j'aimerai jusqu'à mon dernier soupir. » De grosses larmes tombaient lentement une à une sur les joues pâlies de José pendant qu'il parlait. La duchesse, à la vue de ses larmes, se sentit prise de compassion pour le malheureux qui l'implorait. « Une existence nouvelle va s'ouvrir pour vous, » lui dit-elle d'une voix émue. « Rachetez votre passé en faisant le bien dans l'Amérique, où vous allez retourner, et peut-être un jour vous pardonnerai-je. »« Oh, merci, merci, » balbutia José. Puis, joignant les mains, il murmura. « Et ma fille, que je n'ai pas encore vue, puis-je espérer, avant de partir d'ici, vous lui donnerez le baiser de l'adieu, » dit Fernande. José, pour toute réponse, tomba aux genoux de sa femme, et prenant le bas de sa robe, il la baisa avec transport. Sœur Johannes Lay était arrivée au château du marquis de Kerdal le dimanche au soir, et le lundi dans la journée, il rejoignait Pedro Diaz à Vannes. Le brave serviteur poussa un cri de surprise en le voyant. « Qu'est-il donc survenu là-bas, monseigneur ? » lui dit-il. « Je t'expliquerai cela plus tard, ainsi que le service que j'attends de toi, » lui répondit celui-ci. « Nous partons à l'instant même pour Pembor. » Pembor est un gros village à peu de distance de la pointe de Saint-Gildas et du château de Kerdal. C'était là, si on ne l'a pas oublié, que Fernande avait rencontré, 18 mois auparavant, Angèle Maréchal, et qu'elle s'était prise d'un si vif intérêt pour la pauvre abandonnée et pour sa petite Lucienne. L'ancien intendant, quoique vivement intrigué, boucla sa valise et suivit son jeune maître sans le questionner davantage. 3 heures après, ils arrivaient à Pembor, s'installaient dans une auberge et se faisaient servir à dîner. Le dîner achevé, le duc Jean, accompagné de Pedro Diaz, se rendait chez un marchand de bateaux qu'on lui avait indiqué. « Avez-vous l'intention, monseigneur, de faire une excursion en mer ?» lui demanda le Texien, de plus en plus intrigué. « Une simple promenade, nous ne perdons pas les côtes de vue. Mais pour cela, il faut une barque solide, car la mer du Morbihan est hérissée de récifs. « C'est bien le diable si nous ne trouvons pas ici ce qu'il nous faut, » répondit Jean de Clodion. Ils entrèrent chez le marchand de bateaux, et Jean y fit acquisition d'une barque qui remplissait toutes les conditions exigées. Spécialement construite pour la mer accidentée du Morbihan, cette embarcation avait peu de tirants et pouvait facilement évoluer sur les bas-fonds qui existent dans ces parages. Il n'en restait plus qu'à ajouter le mât, et au mât, une de ces voiles triangulaires qu'un seul homme peut faire manœuvrer. Il fut convenu que la barque serait livrée le lendemain matin, toute prête à prendre la mer. Jean et Pedro regagnèrent leur auberge. Jusqu'à ce moment, le jeune duc n'avait pas appris au brave Texien pour quel motif il avait si brusquement quitté le château du marquis, non plus que le service qu'il réclamait de lui. L'heure des confidences était arrivée. Le duc, après avoir mis en peu de mots Pedro au courant des diverses péripéties de son entrevue avec José, et de la résolution, bien arrêtée de Fernande, de se séparer pour toujours du misérable qu'il avait si indignement trompé, ajouta « Cette séparation, si elle eût été rendue publique, aurait porté une grave atteinte à l'honneur du nom de Clodion. Le marquis de Kerdal et la duchesse ont voulu qu'elle demeurât ignorée de tous, ainsi que de leurs serviteurs. Et c'est pour me conformer à leur volonté que le lendemain de mon arrivée au château, j'ai feint de m'en retourner à Paris et que je t'ai rejoint à Vannes. « Fort bien, monseigneur, » dit Pedro Diaz, Mais tout cela ne m'apprend pas pourquoi nous sommes ici et le service que je puis vous rendre. » Jean de Clodion lui parla alors à voix basse, de peur sans doute que ses paroles ne fussent entendues par des oreilles étrangères. Lorsqu'il eut achevé, le Texien, à voix basse également, lui répondit « Vous pouvez compter sur moi, monseigneur. J'accomplirai fidèlement la mission que vous me confiez. » Le lendemain matin, l'embarcation que le duc Jean avait achetée était prête à partir, mais il fallait trouver un homme qui pût la diriger au milieu de cette mer pleine de périls. Le duc Jean se rendit sur la plage avec Pedro Diaz. C'était l'heure où les barques venaient de la repêche. Il y avait un va-et-vient d'hommes, de femmes et d'enfants, toute une population qui vit de la mer. Jean aperçut parmi les pêcheurs qui abordaient un gaillard d'environ 30 ans, aux membres vigoureux, à la chevelure crépue et la physionomie ouverte et intelligente. Il s'approcha de lui pendant qu'il mettait en ordre ses filets, et qu'un gars d'une dizaine d'années débarquait des paniers remplis de poissons. « La pêche a-t-elle été bonne ?» demanda le jeune duc au pêcheur. « Excellente, monsieur, » répondit ce dernier d'un ton de joyeuse humeur. « Combien l'estimez-vous ? » « Je ne demanderai pas le produit de ma nuit pour 50 francs. Mais une pareille aubaine est rare, et la plupart du temps, dans la bonne saison, c'est à peine si ma pêche m'en rapporte 10 francs par jour. « Eh bien, mon ami, » répliqua Jean, « je vous propose un marché. Je vous achète votre pêche pour 3 jours, à raison de 50 francs par jour. Ce serait une mauvaise affaire que vous feriez, monsieur. Cela me regarde, mon brave. C'est juste. Ainsi, vous acceptez ?»« J'accepte. « Toutefois, je mettrai pour condition que vous ne pêcherez pas pendant 3 jours. Alors je ne comprends plus, monsieur. C'est bien simple. Je désire visiter ces côtes et explorer le golfe du Morbihan. En ce cas, monsieur, ce n'est pas pour m'inventer, mais vous ne pouviez vous adresser mieux qu'à moi. Je connais cette mer comme si c'était moi qui l'avais faite. Fort bien, quand partirons-nous ? Le temps de casser une croûte et d'embrasser ma femme. Soit, dans 1 heure, rendez-vous ici. Convenu, monsieur. » Le jeune duc regagna son auberge avec Pedro, commanda à déjeuner, puis régla sa dépense après avoir fait préalablement transporter dans son bateau sa balise et des provisions de bouche. Le pêcheur arriva à l'heure convenue. « Si cela vous est égal, mon ami, lui dit Jean, nous ferons notre petite excursion dans cette barque que j'ai achetée. Je ne serai pas fâché que vous en fissiez l'essai. » « Vous comptez passer quelque temps ici, monsieur ? Demanda le pêcheur. « Peut-être, répondit Jean de Clodion. Le vent était excellent et la mer calme. Le golfe du Morbihan, parsemé d'îlots et hérissé de récifs, est des plus pittoresques, mais il faut le bien connaître pour se diriger au milieu de ces dangereux dédales. Il importait donc fort à Pedro Diaz de faire son apprentissage de marin s'il voulait remplir avec succès la mission dont l'avait chargé son jeune maître. « Dans 20 minutes, nous serons en vue de Néel, » dit le pêcheur après 1 heure de marche. « Nous avons alors 8 heures à nous. » Pour visiter quelques-unes des îles, répliqua le duc, sentez-la habiter. La plupart, monsieur, sont des récifs où seuls les oiseaux de mer se posent et font leur nid. Il y a cependant des îlots qu'on dit peuplés de pêcheurs. Sans doute, et entre autres, à quelques lieues d'ici, l'île de Boédic, et un peu plus loin, celle de Boïde. Eh bien, conduisez-nous à ces îles, je suis curieux de les explorer. En moins de 2 heures, on se trouva en vue de l'île de Boédic. Faut-il nous arrêter ? Dit le pêcheur. « Poussons plus loin, » répondit le jeune duc après un rapide examen des lieux. 1 heure plus tard, ils étaient devant l'île de Boïde. Jean et Pedro Diaz descendirent à terre et leur conducteur resta dans l'embarcation. L'île de Boïde n'est habitée que par de pauvres familles de pêcheurs. De tous côtés se dressent de misérables huttes où grouillent pêle-mêle des femmes, des enfants et des vieillards auxquels leur grand âge a interdit le service de la mer. « Je doute que cette île, pas plus que celle de Boédic, remplisse les conditions voulues, » dit Jean à Pedro Diaz. « Allons jusqu'au bout, monseigneur, » répondit le Texien. Parvenus au centre de l'île, ils aperçurent une maisonnette au toit ardoisé qui était entourée d'un jardinet. « Voilà qui pourrait bien faire l'affaire, » dit Pedro au duc. « Qui demeure là ?» demanda ce dernier un jeune gars qui faisait sécher des filets au soleil. « Cette maison appartient à la veuve d'un ancien pilote, » répondit l'enfant. Au même instant, la porte s'ouvrit, et une femme d'une 60aine d'années sortit une quenouille à la main et s'assit sur un banc placé devant son habitation. Le duc alla droit à elle. « Ma brave dame, lui dit-il, en désignant Pedro, mon camarade que voici est l'un de nos amis. Grand amateur de pêche, désirait passer quelque temps dans cette île. Voudriez-vous leur louer votre maison ? « Et moi, où irai-je loger, mon beau monsieur ?» répondit sèchement la vieille femme, qui pensait qu'on voulait s'amuser à ses dépens. « Combien avez-vous de chambres ?» répondit Jean de Clodion. « Deux au rez-de-chaussée et deux au premier étage, plus un grenier. Eh bien, si vous vous arrangez avec nous, on vous laissera une chambre et vous servirez de femme de ménage à mes deux camarades. » « Est-ce pour de bon ce que vous me dites là ?» répliqua la veuve du pilote. « Répondez-moi d'abord si cette offre vous convient. Ça dépendra du prix que vous me donnerez pour la location. Fixez-le vous-même, ma brave femme. » La vieille réfléchit quelques instants. Elle flairait une bonne affaire, et elle voulait en tirer le meilleur parti possible. « 60 francs par mois, » dit-elle. « Marché conclu, » fit Pedro Diaz en tirant sa bourse. « Voilà 20 francs pour le donner à Dieu. » La bonne femme, à la vue de l'or, écarquilla les yeux et se repentit de n'avoir pas demandé davantage. « Minute, mon brave monsieur, » reprit-elle. « Vous l'aurez ma maison pour 3 mois, et vous me payerez en sus 5 francs par mois pour le blanchissage. Sinon, rien de fait. »« Va pour une location de 3 mois et les frais de blanchissage, » dit le Texien. « Quand comptez-vous vous installer ?»« Aujourd'hui même, dans la nuit. Il faut que je retourne à Pembor prendre mon camarade, » répondit Pedro Diaz. « À votre retour, les chambres seront prêtes, » dit la veuve du pilote. Jean et Pedro regagnèrent leur barque. « Où allons-nous maintenant ?» demanda le pêcheur. « À Pembor, » répondit le jeune duc. « Vous ne voulez pas continuer vos excursions ? J'ai changé d'idée. »« C'est que, monsieur, achevez, mon ami. »« C'est que vous m'avez loué pour 3 jours à raison de 50 francs par jour, et il n'y en a pas encore un découlé. »« Soyez sans crainte, » dit Jean en riant. « Vous ne perdrez rien pour cela, et vous aurez les 150 francs promis. » Pendant les traversées d'aller et de retour, Pedro Diaz avait examiné avec une attention toute particulière les passes du chenal que la barque suivait et interrogé à diverses reprises le pêcheur sur les nombreux récifs qu'il rencontrait. Lorsqu'on fut en vue de Pembok, le duc de Clodion demanda en espagnol au Texien s'il pourrait faire le même trajet pendant la nuit. « J'irai maintenant dans l'îlot les yeux fermés, pourvu que la mer soit bonne comme à présent, » répondit le Texien. Quand on eut atteint le village, le pêcheur, qui avait reçu ses 150 francs, accompagné d'un large pourboire, remercia Jean de Clodion et s'en retourna joyeusement dans sa demeure. « Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre la nuit, » dit le jeune duc à l'ancien intendant, « et nous gagnerons la pointe de Saint-Gildas et de là la falaise. « À quelle heure nous mettrons-nous en route, monseigneur ?» demanda Pedro. « À 7 heures. Le rendez-vous est à 8, » repartit son jeune maître. Peu à peu, la nuit était venue, une brise légère soufflait de la côte, la soirée était superbe et diamantée d'étoiles. À 7 heures du soir, le duc et Pedro montèrent dans leur embarcation et se dirigèrent vers la falaise. Environ 3 quarts d'heure après, le château de Kerdal s'estompa vigoureusement sur le bien fondé du ciel, tandis que la barque, perdue dans l'ombre projetée par la falaise, devenait invisible. Lorsque la barque eut accosté, Jean de Clodion tira sa montre et dit « Dans 5 minutes, ils seront ici. » Nous laissons le duc et Pedro Diaz en sentinelle au bas de la falaise et nous rentrerons dans le vieux manoir du marquis de Kerdal où de grands événements étaient en voie de préparation. Le gentilhomme breton, retiré dans son appartement, était en proie à une violente agitation nerveuse. Par moments, il quittait son fauteuil, arpentait à pas saccadés son salon, interrogeait du regard la pendule, murmurait quelques mots sans suite, puis allait se rasseoir. Ce manège durait déjà depuis quelque temps lorsque la pendule sonna 1:30. « 7h30, » dit-il. Il sortit fiévreusement du salon, traversa un palier, monta un étage, s'arrêta devant une porte et frappa. La porte aussitôt s'ouvrit. « L'heure est venue, » dit-il à Don José d'une voix brève. José, pâle comme un mort, le suivit. Ils descendirent, et arrivés au premier étage de l'aile droite du château, le marquis de Kerdal s'arrêta de nouveau devant une porte, tourna la clé, entra, puis il dit au bâtard « Ma nièce vous a permis de la voir une fois encore avant votre départ. La voici, faites-lui vos adieux. » José, la tête baissée, s'agenouilla devant Fernande. La duchesse était vivement émue. L'homme qu'elle avait à genoux devant elle était un misérable. Plus que tout autre, elle le savait. Mais enfin, c'était son mari. Cet homme l'aimait. Il était le père de sa chère Jeanne. Elle abaissa lentement sa main. José s'en saisit et la baisa à plusieurs reprises au milieu des sanglots qui s'échappaient de sa poitrine. « Assez !» fit le marquis avec dureté. Le bâtard se releva. Le vieux gentilhomme se dirigea alors vers la porte, et par un geste, il ordonna à José de le suivre. « Ma fille, mon enfant, dit José, je veux la voir, je veux l'embrasser. Vous ne devez pas m'empêcher d'embrasser ma fille, vous ne le pouvez pas, ce serait par trop cruel, et d'ailleurs ma... » Il allait dire ma femme, mais il se reprit aussitôt. « Sa mère me l'a promis, murmura-t-il. » Fernande courut au berceau de Jeanne, l'enfant dormait. Elle la prit dans ses bras et l'approcha des lèvres de José. José se pencha sur cet enfant qui était aussi la sienne à lui. Il la regarda avec fixité, comme pour se graver ses traits charmants dans les yeux, puis, le visage inondé de larmes, il la baisa au front. Cela fait, il se redressa, marcha reculant vers la porte, afin de voir une minute de plus les deux êtres adorés, dont il allait se séparer pour toujours, et lorsqu'il fut parvenu près du seuil, il dit d'une voix déchirante « Adieu, Fernande. Adieu, ma Jeanne. Adieu, adieu. » Puis se tournant vers le marquis, « Partons, » fit-il. Le marquis de Kerdal avait tout disposé pour que les serviteurs du château n'eussent pas le moindre soupçon de l'événement qui allait s'accomplir. Dans la journée, il avait annoncé qu'il ferait après-dîner une promenade avec son neveu au bord de la mer et ordonné qu'on tînt sa voiture prête à 7h30. Lorsqu'il fut arrivé avec José dans la cour du château, il trouva sa voiture attelée et le cocher sur le siège. Mais cette prétendue promenade ne voulait pas de témoins. « Vous pouvez dételer, » dit-il au cocher. « Monsieur le marquis et monsieur le duc ne sortent pas, » demanda ce dernier. « Au contraire, » répondit le vieux gentilhomme, « mais la soirée est superbe, nous ferons notre promenade à pied, et dans une heure nous serons de retour. » Il sortit du château avec José. Pas un mot ne fut échangé entre eux pendant le trajet du château à la falaise. On aurait dit deux ombres qui marchaient l'une à côté de l'autre. Quand ils furent au pied de la falaise, ils trouvèrent le duc Jean et Pedro Diaz qui les attendaient. Le marquis de Kerdal désigna la barque à Don José, et le mari banni monta dedans sans proférer une parole. En ce moment, le bâtard n'était plus un homme, mais une sorte d'automate qu'un ressort caché faisait mouvoir. Jean de Clodion, malgré les crimes de José, avait ressenti en le voyant un grand serrement de cœur et détourné la tête pour n'être pas témoin du spectacle navrant qu'il avait devant les yeux. Pedro Diaz, à son tour, prit place dans la barque, mit la voile au vent, et bientôt la barque s'éloigna. Une demi-heure plus tard, le marquis rentrait au château avec le duc Jean de Clodion, qui avait dépouillé le personnage et les traits du visage de sœur Joanne Astley, et pas un de ces gens ne se douta du terrible drame de famille qui venait de s'accomplir au bas de la falaise sur laquelle s'élevait le vieux manoir de Kerdal. Fin de la seconde partie.